Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 76. De quelle manière Jésus-Christ existe dans l'Eucharistie? Jésus-Christ est tout entier dans l'Eucharistie, sous chacune des deux espèces, et même sous chaque partie des deux espèces, non comme dans un lien, mais à la manière de la substance, c'est-à-dire invisiblement, alors même qu'il se manifeste par quelques apparitions. 1. Jésus-Christ est-il tout entier dans le sacrement de l'Eucharistie? Il est absolument nécessaire de confesser, selon la foi catholique, que le Christ est tout entier dans l'Eucharistie. Il faut observer, néanmoins, que ce qui constitue sa personne y est produit de deux manières, en vertu du sacrement même, et par la concomitance naturelle. En vertu du sacrement, les espèces sacramentelles renferment ce en quoi la substance du pain et du vin est directement changée, conformément à ces paroles de la forme, qui n'ont pas moins d'efficacité que celle de la forme des autres sacrements. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Par la concomitance naturelle, les espèces sacramentelles contiennent ce qui est réellement uni au terme de la conversion dont il s'agit, car, toutes les fois qu'une union réelle existe entre deux choses, partout où l'une d'elles se rencontre, l'autre s'y trouve aussi. Note. La divinité est l'âme du Christ, qui ne sont pas le terme du changement du pain et du vin, ne se trouvent point dans l'Eucharistie par la vertu du sacrement, mais elles y sont par la concomitance réelle. La divinité n'ayant jamais quitté le corps qu'elle a pris, partout où est le corps du Christ, elle y est également. Pareillement, l'âme du Christ est toujours inséparablement unie à son corps depuis la résurrection, puisqu'il est écrit: le Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Par la vertu sacramentelle, l'Eucharistie contient non seulement la chair du Christ, mais son corps tout entier, les nerfs, les os et le reste. La forme du sacrement le prouve, elle porte, ceci est mon corps, et non pas, ceci est ma chair. On nous dira peut-être que, les dimensions du pain du vin consacré étant très inférieures à celles du corps de Jésus-Christ, il est impossible que Jésus-Christ soit contenu tout entier dans ce sacrement. Il est aisé de répondre que si, après la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ, les accidents du pain et du vin demeurent tels qu'ils étaient, les dimensions du pain et du vin ne se convertissent pas pour cela aux dimensions du corps du Christ, et que, dès lors, la substance seule du pain et du vin est changée en la substance du corps et du sang de notre Seigneur. En un mot, le corps du Christ est dans l'Eucharistie suivant le mode de la substance, et non suivant le mode de l'étendue. Or la totalité propre à une substance est contenue sous une petite étendue non moins que sous une grande, ainsi toute la nature humaine est dans un homme quelconque, grand ou petit. Autant donc, avant la consécration, toute la substance du pain et du vin était là, autant, après la consécration, le sacrement de l'Eucharistie contient toute la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Fin de la note. 2. Jésus-Christ est-il tout entier sous chacune des deux espèces? Jésus-Christ est tout entier sous chacune des deux espèces sacramentelles. Son corps est sous l'espèce du pain par la vertu du sacrement, son sang, son âme et sa divinité, par la concomitance réelle. Pareillement, son sang est sous l'espèce du vin par la vertu du sacrement, son corps, son âme et sa divinité, par la concomitance réelle. Note. l'existence du Christ sous les deux espèces, en même temps qu'elle nous rappelle sa passion, dans laquelle son sang fut séparé de son corps, nous facilite l'usage du sacrement de l'Eucharistie. Fin de la note. 3. Jésus-Christ est-il tout entier sous chaque partie des espèces du pain et du vin? Nous l'avons reconnu, le corps du Christ est dans l'Eucharistie comme la substance est sous les dimensions, et non pas comme les dimensions sont dans un lieu. Or toute la nature d'une substance est sous chaque partie des dimensions où elle est contenue, ainsi, par exemple, sous chaque partie d'un pain est toute la nature du pain, et sous chaque partie de l'air toute la nature de l'air. Peu importe que les dimensions soient actuellement divisées, comme lorsque l'on partage l'air ou que l'on rompt le pain. On conçoit par là que le Christ tout entier puisse être sous chaque partie des espèces du pain, alors même que l'hostie est entière, et non pas seulement quand on la rompt. Note. S'ensuit-il que le corps de Jésus-Christ soit contenu plusieurs fois sous les dimensions du pain? Non, le nombre résulte de la division seule. Tant que les dimensions des espèces eucharistiques restent indivises, la substance du corps de notre Seigneur reste pareillement indivise, mais, la division survenant, ce corps se multiplie autant de fois qu'elle donne de parties. Cela repose sur ce principe que le corps du Christ est dans l'Eucharistie en vertu de sa substance et non de son étendue. Fin de la note. 4. Toute l'étendue du corps de Jésus-Christ est-elle dans l'Eucharistie? Toute l'étendue du corps de Jésus-Christ n'est pas dans le sacrement de l'Eucharistie par la vertu du sacrement lui-même, mais elle y est par la concomitance réelle. Je dis, en premier lieu, qu'elle n'y est pas par la vertu du sacrement lui-même, car le changement sacramentel se termine à la substance du corps de Jésus-Christ, et non à ses dimensions. Je dis, en second lieu, que toute l'étendue du corps de Jésus-Christ est dans l'Eucharistie par la concomitance réelle, parce que la substance d'un corps n'est pas, dans la réalité, séparé de son étendue et de ses autres accidents. Note. L'étendue du corps de Jésus est dans l'Eucharistie suivant le mode de la substance, et non suivant le mode des dimensions. Fin de la note. 5. Le corps de Jésus-Christ est-il dans l'Eucharistie comme dans un lieu? Le lieu est égal en étendue au corps localisé qui l'occupe. Or le lieu où est le sacrement de l'Eucharistie est beaucoup moins étendu que le corps de Jésus-Christ. Donc le corps de Jésus-Christ n'est pas dans ce sacrement comme dans un lieu. En effet, il y est selon le mode de la substance et non suivant le mode de l'étendue, ce en quoi il se distingue de tous les autres corps. Il succède, il est vrai, à la substance du pain. Mais il n'est pas le sujet des dimensions par lesquelles la substance du pain égalait en étendue le lieu qu'elles occupaient. Il ne se rapporte à ce lieu que par des dimensions étrangères. C'est pourquoi, contrairement à ce qui existait, ces dimensions propres ne sont en rapport avec ce lieu que par l'intermédiaire de sa substance, ce qui n'indique nullement un corps localisé. C'est assez dire qu'il n'existe localement d'aucune manière dans l'Eucharistie. Note. Le corps du Christ n'est dans le sacrement ni d'une manière définie, ni d'une façon circonscrite, car, dans le premier cas, il ne serait que sur l'autel, et cependant il est dans le ciel sous sa propre forme et sur beaucoup d'autres autels sous les voiles du sacrement. Dans le second cas, il serait là à raison de sa propre dimension, et nous venons de prouver le contraire. Fin de la note. 6. Le corps de Jésus-Christ est-il mobile dans le sacrement de l'Eucharistie? Le corps de Jésus-Christ, qui n'est pas dans l'Eucharistie comme en un lieu, ne s'immeut pas de lui-même localement, bien qu'il suive le mouvement des espèces sacramentelles sous lesquelles il se trouve. Il cesse, il est vrai, d'exister sous les espèces, lorsqu'elles viennent elles-mêmes à périr, mais ceci est accidentel et ne vient pas de lui. Dieu même, sans se mouvoir d'aucune manière, cesse d'être dans une créature qui périt. 7. Le corps du Christ, tel qu'il est dans l'Eucharistie, peut-il être vu, au moins par un œil glorifié? Un œil corporel ne saurait voir le corps de Jésus-Christ tel qu'il est dans l'Eucharistie. La raison en est que les véritables accidents de ce corps y sont par l'intermédiaire de la substance, et que, n'ayant de rapport immédiat ni avec le sacrement ni avec les corps environnants, ils ne peuvent modifier le milieu où ils sont de manière à être revus par les yeux du corps. Par cela seul, en un mot, que le corps du Christ est dans l'Eucharistie suivant le mode de la substance, il ne tombe sous aucun sens, et, en effet, inaccessible même à l'imagination, la substance n'est perçue que par l'entendement. Donc, tel qu'il est dans l'Eucharistie, où il a un mode d'existence surnaturel, le corps du Christ n'est perceptible que pour l'intelligence, appelé l'œil spirituel, et encore est-il perçu différemment par les différentes intelligences. L'œil glorifié, qui voit les choses surnaturelles dans l'essence divine, le découvre sous les espèces eucharistiques. L'homme, voyageur ici-bas, ne le perçoit, comme toutes les autres choses surnaturelles, que par la foi. Note. Les espèces sacramentelles nous empêchent d'apercevoir le corps du Christ, non seulement parce qu'elles le couvrent à la manière d'un voile qui dérobe au regard ce qu'il cache, mais encore parce que ce sont elles, et non les accidents même de ce corps, qui le mettent en rapport avec le milieu où est le sacrement. Fin de la note. 8. Quand on voit, par miracle, dans l'Eucharistie, de la chair ou un enfant, le corps du Christ continue-t-il d'y être véritablement? Quoique les espèces sacramentelles soient alors sensiblement modifiées, le Christ continue néanmoins d'être véritablement présent dans l'Eucharistie. Aussi, quand ces apparitions se produisent, on rend à ce que l'on voit les mêmes hommages que l'on rendait auparavant au sacrement, et l'on continue d'y adorer Jésus-Christ. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.